Même si tu parles mal, mais tu sais pas qui on est. Quand on prend le microphone, c'est pour mieux rayonner. Tu joues les mecs hardcore, mais nous on peut rayonner. Parle pas mal de ma team ou on va te baïonner. Théma, comment la vie laisse des cicatrices. J'ai tellement de problèmes, je peux finir en psychiatrie. Les témoins oculaires sont souvent de la partie. Et quand ça témoin, à 6h du mat, c'est la panique. C'est 2010, on a plus de principe dans la tête, le bif comme objectif principal. Les flics entre eux et moi, c'est la Chine et le Népal. Je suis illicite, ok, et je le nie pas. Attiré par la zik comme par une paire de nibards. Mes détracteurs sont à l'affût, sauf que le sage n'oublie pas. Cette année c'est la mienne, je viens prendre ma part du gâteau sans oublier de laisser des miettes au MC qui parle trop. MC tu parles mal, mais tu sais pas qui on est. Quand on prend le microphone, c'est pour mieux rayonner. Tu joues les mecs hardcore, mais nous on te rayonner. Parle pas mal de ma team ou on va te baïonner. MC tu parles mal, mais tu sais pas qui on est. Quand on prend le microphone, c'est pour mieux rayonner. Tu joues les mecs hardcore, mais nous on te rayonner. Parle pas mal de ma team ou on va te baïonner. J'ai le style efficace, combien veulent me tester. C'est le jeu sain, je fous la hesse. Ouais, tu vas y rester avec les zincs ou en solo. On y tous est la même, que ce soit en impro, freestyle, session ou tes textes à thème. Le beat, on le ken, on se déchaîne, on enchaîne. Les faux MC à la chaîne, ouais, pire du travail à la chaîne. Mon son tourne dans tous les portables et les chéchènes, y fit un collab sur ma city, je viens baiser les chéchènes ici. On baisse le stem si, ouais, tu connais la devise. T'as mis le pare-balles, c'est dans ta tête que je vise. Je m'entête, j'aiguise. Mon flow, je maîtrise. L'approche, la martyrise. Sarko, je mets méprise. MC, tu parles mal, mais tu sais pas qui on est. Quand on prend le microphone, c'est pour mieux rayonner. Tu joues les mecs hardcore, mais nous on te rayonner. Parle pas mal de ma team ou on va te baïonner. MC, tu parles mal, mais tu sais pas qui on est. Quand on prend le microphone, c'est pour mieux rayonner. Tu joues les mecs hardcore, mais nous on te rayonner. Parle pas mal de ma team ou on va te baïonner. Je suis qu'un pas parasite, détesté comme les paparazzi. Nique ta race, toi et ton pas paraciste. Moi j'ai pas le temps de reculer, encore moins d'être encunier. Regarde comme ça vient michetonner alors que ça me traitait d'enculé. Arrêtez vos conneries les gars, vous me faites bien rigoler. Quand on se chope en tête à tête, pourquoi tu te mets à bégayer? Moi mon blaze c'est jeu sain, mais je ne suis pas de vos semblables. Les langues de pute, les mythos ne sont pas le bienvenu à ma table. Vous pouvez toujours parler, je reste un MC imbattable. Sur ma défaite vous pariez depuis l'époque du cartable. Trop de rappeurs se disent hardcore, mais ne sont que des parodies. Ils visent tous le disque d'or, mais obtiennent celui de pacotille. MC tu parles mal, mais tu sais pas qui on est. Quand on prend le microphone, c'est pour mieux rayonner. Tu joues les mecs hardcore, mais nous on te rayonner. Parle pas mal de ma team ou on va te baïonner. MC tu parles mal, mais tu sais pas qui on est. Quand on prend le microphone, c'est pour mieux rayonner. Tu joues les mecs hardcore, mais nous on te rayonner. Parle pas mal de ma team ou on va te baïonner. Pourquoi tu parles mal? Pourquoi tu parles mal? Je cymbale 5, 26 100 sons.